la dent blanche. Si tu sors le mic, faut pas hésiter, freestyle de croisie. Mais t'auras trop par en civière. Ce dog à mode mercenaire, écoute bien, c'est le chant de la galère. J'en place une pour tous mes frères aux zombies. À cause de nos conneries, nos mères font qu'à payer le prix. Le chétan nous contrôle, à croire qu'il fait du scroll. Mais que t'as ces patrouilles de banaliser. Même si c'est dur, je défoncerai les portes de RAP. Mon flow est vulgaire, comme il est temps à la guerre. N'essaye pas de nous cacher, on va te liquider. Quand les poules rôlent les crocs, tu vont train de nous tester. Ok, c'est dog. J'rappe tous les faits, mon carré de fume. Mon rap s'il faut, fera parler les douilles. J'ai les nerfs quand les flics me fouillent. Alors bim, bim, bim, c'est la route qui s'installe. J'rappe tous les faits, mon carré de fume. Mon rap s'il faut, fera parler les douilles. J'ai les nerfs quand les flics me fouillent. Alors bim, bim, bim, c'est la route qui s'installe. Mon rap est tout le feu comme le petit Bilal. Alors nique sa mère l'état, mais on veut de l'oseille. Arrête de parler sur mon dos, tu sais où me trouver si t'as un problème. Oh, mon rap porte tes couilles, j'ai pas besoin de douiller pour venir te raqueter. VNP, c'est à les couilles de nous arrêter. De nos jours, y'a trop de mecs qui pratiquent de la flûte. Certains restent c'est dans leur vie, ok, ok, c'est la vie qui veut ça. Dès que tu veux monter au sommet, quel que soit le trajet, quel que soit les mecs que je croiserai. VNP, c'est à les couilles de m'arrêter. Mon cul n'est pas condamné à pourrir dans les cités. Car depuis petit je suis dans la chaîne. J'rappe tous les faits, mon carré de fume. Mon rap s'il faut, fera parler les douilles. Ce dog à la brode.